Salut, ici Jean-François, vous écoutez la 10e émission sur le Terminus. Aujourd'hui, la première chanson de Blur depuis 2003, mais aussi des nouveautés de Tokyo Police Club, le Husky, et The National. On commence avec un trio d'Austin au Texas mené par l'énergique Lauren Larson. C'est à la fois rock et très accessible, Hume, avec la chanson des Conductors tirée du EP Sunshower sorti en 2009. Les Breastfeeders rockent aussi pas mal. Si la rumeur est vraie, leur troisième album devrait sortir quelque part d'ici la fin de cette année. En attendant, on va entendre une reprise de la chanson Nice Try des Sinners qui donne en français « Pousse-toi ». Cette chanson-là se retrouve sur la face B du single « Tout va pour le mieux » dans le pire des mondes, sorti en 2006. Et pour terminer ce premier bloc, les Français de Bébé Brune avec une pièce extraite de leur premier album, Perdu cette nuit. Mais tout d'abord, Hume, The Conductor. We'll be right back. Tous deux, on sort, on se couche tard. Les gens sont tous de vrais trouillards sous leur parapluie. Ils courent et courent à leur devoir. Et cette grêle tombe à tout hasard. Mais moi, je m'enfuis. Mais nous, on rit, tu me fais boire. On finit vite sur le trottoir, perdu cette nuit. Blanchi devant ce grand ciel noir, tout devient vite des illusoires, affalé et j'oublie. Samedi dernier, le 17 avril, se tenait un peu partout dans le monde le Record Store Day, qui en était cette année à sa 3e édition. D'abord, une initiative américaine pour reconnaître la part de plus de 700 disquaires indépendants. L'événement est souligné dans tous les continents, sauf en Afrique. Au Québec, seule la grande région de Montréal participait avec les Sound Central ou notamment l'Oblique. Il y avait aussi Fréquence à Saint-Hyacinthe et Granby et Musique Cité à Sherbrooke. Dans plusieurs de ces magasins-là, les visiteurs avaient droit à des performances d'artistes et à des promotions spéciales. Je vous parle du Record Store Day puisque c'est dans le cadre de cet événement que le groupe britannique Blur a lancé la première chanson en 7 ans, soit depuis la sortie de l'album Think Tank en 2003. L'enregistrement de cet album avait d'ailleurs mené au départ du guitariste Graham Coxon qui s'est réconcilié l'année dernière avec Damon Albarn et les autres membres du groupe. On va donc entendre cette nouvelle chanson appelée Fool's Day et qui nous ramène au milieu des années 90 alors que Blur était la figure de proue de la Britpop en Angleterre. Tout de suite après, on va entendre Tokyo Police Club avec Breakneck Speed, le premier extrait de l'album Champ, apparaître le 8 juin prochain. Et ça va se terminer avec un classique des Pixies, on remonte à 1988, sur l'album Surfer Rosa, la pièce Bone Machine. Mais on commence avec Blur et False Day sur le Terminus. Good to be back. Spell it out. done and gone away. I remember when our voices used to sound the exact same. Now we just translate. 'Cause I'm still amazed you made it out alive after what you did. Vous écoutez toujours le Terminus. Dans le prochain bloc, vous entendrez le projet d'un autre Suédois, Christian Mattsson, qui est aussi connu sous The Tallest Man Unhurt. Son deuxième album, The Wild Hunt, est sorti le 13 avril dernier et contient 10 chansons de country folk américain, un peu à la Bob Dylan. La chanson King of Spain est probablement celle qui ressort le plus de l'album et c'est celle que j'ai choisie. Juste avant, côté francophone, le Husky sortait aussi un deuxième album le 20 avril, appelé La Fuite. J'ai retenu une pièce dont vous allez facilement retenir aussi le titre en l'écoutant, Les Téléphones. À l'émission numéro 4, j'ai fait jouer une pièce d'Alexandre Champigny de 2007. Et bien, juste avant, Champigny a produit un album au sein du groupe Les Trompe-l'œil, appelé Bouddha Cinéroll. Voici donc une chanson appelée du même nom, Bouddha Cinéroll. entendu mon cœur se fendre. J'ai entendu mes os éclater sous ma peau. Crac, c'est le son des os qui éclatent sous ma peau. Cric, c'est mon cœur qui se fend sous les os. Sans jamais revenir. Wouch, c'est le son de l'avion qui décolle. Boum, c'est mon râle qui s'écrase sur le. A lover, just cause I steal the things you hide, just cause I focus while we're dancing on, just cause I offered you a ride. Still I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid. I am a native of the Norfolk, and I could mess up any kid. Well, if the man to meet them all, blood is fake so I can hurt, and all the senorita sighing, oh, will be the fountain of my lies. But while we're floating in siesta, will you search for bottles and for knives? No. some flamenco. And perhaps I'll reach the other side. Why are you stabbing my illusion? Oh, just 'cause I stole some eagle's wings. Because you named me as your lover. Well, I thought I could be anything. Well, it feels to reinvent my name. Well, it feels hard to redirect my day. I wanna be loved, King of Spain. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. N'hésitez pas à m'écrire au info@terminus.ca et vous pouvez aussi suivre les mises à jour via Twitter ou Facebook. La majeure partie de la programmation du Festival Oshiaga, qui aura lieu les 31 juillet et 1er août prochains au Parc Jean-Drapeau de Montréal, est maintenant connue. La prochaine émission, il faudrait bien que je vous donne mes choix. Est-ce que l'achat de billets pour les deux jours vaut la peine? Ça, c'est une question qu'on se pose à chaque année. En tout cas, la seule présence d'Arcade Fire va sûrement attirer beaucoup de monde. Avant de se quitter, on continue sur le thème de la Suède avec une version acoustique de la pièce Aldrig Ensam de Jonathan Johansson. Aldrig Ensam, ça veut dire « jamais seul » en suédois. Vous entendrez ensuite The National qui sortiront l'album I Violet le 11 mai prochain avec la pièce Afraid of Everyone. J'espère que vous avez apprécié l'émission. À bientôt! Not to hurt anyone.